l'aventure elle nous emporte. Sailor Moon, Sailor Moon, elle doit défendre notre terre. Sailor Moon, Sailor Moon, contre les méchants de l'univers. Rien ne pourra jamais l'arrêter. De tous les dangers elle se moque. Et avec ses amis, de notre époque. Sailor Moon, Sailor Moon, petite fille remplie de courage. Sailor Moon, Sailor Moon, perdue au milieu de l'orage. Avec ses